45, je descends chez moi, les yeux blancs, les nerfs à vivre. Juste avant leur tête, je vois qu'ils sont bien ravis de me voir arriver, leur fourguer la paraffine. Descendant de frère Albi, pas le temps pour plaire la mine. Rahma veut plaire à mon cœur quand je perds la mine. J'attends le père à Malcolm pour refaire la mettre. Heisenberg, c'est le retour de Tony, c'est le retour aux pyramides. Va dire à ses bâtards d'aller se faire mettre. Si on le fait nous-mêmes, ça va leur faire mal. J'envoie des capitaux vers la terre mère, rendu fier père mère, l'art Superman. Traquer des hommes qui traquent des hommes en R1000. J'suis pas désolé, pas le seul à terminer. J'suis pas le plus chaud, pas le plus riche, pas le plus fou, mais peut-être le plus déterminé. Les petits bises où ça mène? Bouteille, Nirvana. Tout baigne, tu ramènes? Foutaise, tout va mal. De quelle manière tu vas me la mettre? Kadhafi ou Saddam? Tu arrives de me jeter à la mer comme le cadavre de Oussama. Hein? La nuit, les ténèbres. Nix et RM. C'est qu'un apéritif tout ça. Croyez pas que j'ai décalé pour rien, mais voyons. Attends le plat de résistance. J'ai même pas envie de parler du dessert. Encore une fois, c'est la rue qui est avec moi. Et encore une fois, je doute pas de moi, ni de mes vaillants. Les vaillants sont avec YL.